parle. Et je pense que dans le monde, il faut de plus en plus d'agriculteurs pour que. Pour, parce que si on gaspille trop, mais on produit rien, c'est pas bien ça. 2020. Tu as raison. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission intermédiaire de News in Slow Frame. J'ai vu déjà. Attends, qu'est-ce qu'on va le mettre Oui, avant. Oui, avant. En 2023. Bon, mettez le casque, je vais voir si ça marche. Que j'ai entendu de musique. Pourquoi ça marche pas? Donc ça, c'est notre succès commercial de la musique. Et ce truc-là. Vous êtes belle et vous avez rencontré un mec. Pourquoi vous rencontrez un mec pour être belle? Vous écoutez là? Ah ouais. Je t'entends, tiens. Proteini, vitamini, samo daje guza top. Nikad neće ništa slatko, ne treba joj Photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hot. Ona priča, a ja čutim kao da sam idiot. Njena lista uvek ista, znači ništa turbo pop. Šatro sluša samo mene i još jednog ne znam kog. I na traku kad se penje, tebra izgleda ko bog. Ja vizim i da je grejem, ona kaže mi majo. Proteini, vitamini, samo daje guza top. Nikad neće ništa slatko, ne treba joj Photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hot. Ona priča, a ja čutim kao da sam idiot. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Šta moja beba radi sad? Šta moja beba radi sad? Radi. Proteini, vitamini, samo daje guza top. Nikad neće ništa slatko, ne treba joj Photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hot. Ona priča, a ja čutim kao da sam idiot. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Radi guzu. Radi guzu. Oh oh oh. Non, c'est un peu. C'est trop fort. Attends, j'ai fait moins fort. Ah, c'est bon. Ok. Tu m'as dit ici on peut régler les volumes des casques. Et là, tu s'approches, ça passe sur internet. Ouais. Mais n'entends plus là. Ko ti je tata? Ko ti je tata? Ko je vlasnik auta i sata? Maintenant, je me rappelle pas. Moi, ça fait un an que je suis pas venu, Jason. Oui, ça fait longtemps que tu vas venir. Oh, ça marche plus, tu vois. Attends, ça, c'est normal. Si, j'étais venu la semaine dernière. Toi, tu es venu, mais tu es resté très peu de temps parce que tu as rechuté. Tu as rechuté. Tu es hospitalisé, Jason ? Non. Oh. Attends, mais on écoutait Maes. Mais on Mustafa, il veut pas. Qui écoutait qui ? Maes. Ils font les végétaux, ils manquent beaucoup d'humilité. Je te laisse dans sale état, on fait la pluie, l'humidité. Je récupère la végétale, je me sens gratuit, c'est ma cité. Ça va mort au détail, j'ai perdu toute humanité. Je descends d'un bolide gris, j'ai le même toit qu'un ciel étoilé. Les frères avant les filles, c'est la mentale, les grands m'ont formé. Il me faut le Beretta, le cœur est vide, inhabité. Je suis plein de vendetta, mais je suis un tout de vérité. Ça manine automatique, automatique, automatique. Je suis le peintre de ma vie, je tue les craintes de ma vie. Autant mes armes, autant mes amis. Quand on me parle de tous mes ennemis, peu on les pas, quitte à on sort. Autant les faire, autant les finir. Un pack de balles sur la portière, terrain de poudre c'est la cordière. Après que la rafale est passée, t'auras plus jamais le cordier. Ils aiment que je sois atteint d'un sortilège. Les baisers j'ai taillé, je suis sortilège. J'attends les affaires que j'ai placées dans plusieurs villes et régions portuaires. L'espèce, mais j'ai perdu des gouttes de Matilda. J'appuie sur la gâche et le terrain des. Un peu comme à la patinoire. Ils essayent de trouver mon patrimoine. Si je tire sur ton terrain, la beuh pousse plus. Un peu comme Attila. Je veux conduire un yacht, je sais plus où j'en suis. Le vent souffle sur mes billets. Tu nous fais le ghetto yacht quand tu nous appelles en 10-3-1-10. J'ai les 4 anneaux sur le volant, jamais sur sa main. Je vais la démarrer comme un putain de gamos. Beaucoup plus de gros de diamants. Je m'entends pas, si j'entends un peu, j'entends un peu. Oh oh oh oh oh. Tu te sens plus comme un mec qui pèse. Quand je te porte des chauds comme la braise. On te refroidit comme un iceberg. Oui, on est là, on commence à diffuser sur le multiflux, mais là à 17h c'est notre émission. Donc on a encore 10 minutes. Mais on va voilà, donc on fait les distributions. Vous voulez parler de quoi, madame? Faut que vous mettez un casque. Prenez un micro, vous parlez. Un pack de balles sur la portière. Terrain de poudre, c'est la cordière. Après que la rafale est passée. Lui, il va parler de l'agriculture. Vous parlez de quoi, monsieur? Vous parlez de ce qu'on veut ici, hein. On est libre. On a le sport, ok. Donc vous allez réagir parce que lui, il va parler de football et après vous réagissez sur le sport. Il me manque juste. Monsieur qui baille, là. Votre prénom, je dis. Yawet. Vous voulez parler de quoi? Bah, il y a quelque chose qui vient à votre esprit, vous voulez parler? Voilà, éducation, par exemple, c'est bien. Oh oh oh, oh oh oh, j'entends rien, pourquoi j'entends rien? Oh oh oh, oh oh oh. Oh oh oh, voilà. Oui, ça c'est un vieux micro, oui. Bah, prends-le, on parle, là. Essayez la voix, essayez le micro, là, comme ça tout le monde parle. Allô, allô? On attends, m'entend? Non, là, attends. Attends, attends, vas-y, vas-y. Non, refais, refais, pas, hein. Refais. Pourquoi ça marche pas? Allô, encore? Attends, là. Allô, ouais. Ah ouais, c'est bon, là. Et moi, on m'entend? Si, t'entends un peu bas, mais vas-y. Allô? Ouais, j'ai réglé les niveaux. Allô, allô. Ah là, je m'entends. Ouais. Oh, oh, oh, voilà. Tout le monde essaye ses micros, comme ça, on est bon, là. Et pourquoi tu rigoles? Elle se moque de moi depuis que je suis arrivée. Non, elle rigole, hein, Christina, toujours. Non, je plaisante avec elle. Non, Christina, elle rigole toujours, hein. Depuis qu'elle est guérie, elle rigole. C'est bien. Ah oui. Elle est guérie, elle est guérie, elle est guérie. Voilà, il y a la guérison, ça existe, les amis. Non, c'est ça, hein. Un peu, hein. Ouais. Mais oui, Christina nous a raconté un jour à la radio comment elle s'était guérie. Elle s'est guérie de quoi avec un... De tous les problèmes qu'elle a eu, plein de trucs. Ouais, félicitations. Mais oui. Félicitations. Ça marche, hein. C'est la preuve, hein. Il y a des gens qui guérissent, hein. Jason aussi, il va guérir bientôt. Dylan aussi. Tous, on est tous là pour guérir. On va guérir la planète. Je sais, on va tout guérir. Tiens, prends le micro, va tomber. Ouais. Voilà, il faut qu'on en parle. Le seul truc, il faut qu'on parle au micro parce que sinon on s'entend pas. Vas-y, parle. Okay, je voulais dire, je sais, on va tous guérir un jour. Oui. Et puis bleu rouge, merci. Ouais. C'est bon. Oui, oui, très bien. Tu vas parler, on va parler de la guérison, on va parler de plein de choses. Hein. Donc on est à 8 minutes du live. Donc l'ordre, ça va être Dune qui va dire bonjour, on est Radio Métanoïa, bienvenue à l'espace, on sort de la réalité, on devient dans un monde parallèle. Voilà. Enfin, je comprends ce que tu veux, hein. Mais c'est toi, tu sais le faire. Hein. Tu deviens ça, et puis après... Il va Christina qui va dire bonjour, on va parler, puis après on va passer au sport, après on va passer à l'agriculture, après on va passer à l'éducation, et voilà, et comme ça, Isabelle, si tu veux parler d'autre chose aussi, tu peux. Ok, donc on est presque prêt. On va mettre un peu de musique avant. Est-ce que quelqu'un veut chanter? Je vais mettre un peu de musique. Parce qu'on peut mettre une musique de base et après vous pouvez chanter. Mais sinon, pour l'instant, on va mettre un peu de musique juste le temps que. Tout le monde a essayé le micro ou pas? Allô? Oui, oui. Et Christina, vas-y. Alors celui-là, il est encore plus ancien. Allô? Attends. Ce micro, il est encore plus ancien. Répète. Non, ce micro, c'est ce micro qui est plus ancien. Attends, Christina, répète. Allô? C'est mieux là. Allô? Tu t'entends là? Oui. Ouais. Tu t'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Oui. Tu n'entends pas? Attends, je te monte un peu le micro. C'est mieux que ça. Allô? Ah, c'est bon. Ah, okay. C'est bon là. Faut pas tirer beaucoup le casque parce que sinon on va la machine va pas marcher, mais bon voilà. Donc on est à 7 minutes métanoïaque. Jason, tu es prêt pour ta colonne ou pas? Ouais. Ah, parce que après bon, comme ça tu ne cherches pas après une fois que tu es sur place quoi. Donc voilà. On va mettre un peu de musique le temps que ça reprenne. Tu écoutais quoi, Jason? Il est concentré, Jason. Vous voulez écouter quelque chose? Tu veux écouter quelque chose, Jules? Attendez, je réfléchis. La chanson à l'ammoniaque. PNL. PNL. J'ai envie d'écouter ça. Ça s'appelle à l'ammoniaque. Ok, je vais trouver. Je sais pas si vous aimez, vous autres. On va voir, ça, c'est pas grave, on découvre. Je suis pas trop rap, hein. Mais bizarrement... Attends, y a 15 minutes. J'écoute pas beaucoup de rap, mais là, ça m'a donné envie avec la chanson que j'ai entendue. C'est ça? Ouais. Ouais, c'est le désert dans la tête. Je remplace centime par centime. Mon cœur se transforme en billet. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Que Dieu nous pardonne pour nos grâces. Pour notre manque de compréhension. C'est quoi ce sabotage? Envers l'homme et sa putain de race. Voilà, voilà, voilà. Que j'aimerais leur tendre ouais, la main. Je sais pas lesquels les gars, mais c'est sauvage, me la couperait. Là, c'est mieux. Mettrais ça sur le dos de la fin. Vous me dites, si c'est trop haut, trop bas, je peux baisser ou monter le casque, ok? Corbeau remplace le chant du coq. Un je t'aime coupé à l'ammoniaque. Où je finis comme Manu le coq. Yeah. Je crois que personne ne vit sans regret. Nous on est tout le contraire de Piaf. Voilà. Cerveau à chaud, cœur baisse les degrés. À la vie, à la mort. Le temps passera plus vite qu'hier. Le soleil se couchera dans la vallée. La lune sortira une bière. Je t'aime. À la folie. On est à 4 minutes hein, wow, de live. Passionnément. Jason, tu es prêt? Dune, tu es prêt? À l'ammoniaque. Je t'aime. À la folie. Passionnément. À l'ammoniaque. Ma vie. Pourquoi petite fleur affanée? Elle était belle loin de la jungle. Mais bon, la jungle l'a rattrapée. Ma vie, ma vie. Pourquoi tu perds les âmes comme ça? Ce monde a mal et je ressens ça. Ils sont dans le noir, mais je les vois. Voilà, on est prêt. Je les vois, ma vie. Je n'ai Dieu pour culte ma des famille. Âmes. Fait million, je me suis assagé. Mais on doit rendre ce qu'on a pris. Ma vie. Chez moi on t'aime puis on t'oublie. Chez moi on sonne puis on grandit. Voilà, on est à 3 minutes. Chez Julie, non? Devenir quelqu'un pour exister. Donc Jason, tu vas être dans le même foyer que toi, Christina? Oui, il va être dans le même foyer que moi, mais moi j'ai attendu. Mais moi avant j'étais je t'explique pourquoi je suis pas venue pendant un an. J'étais au foyer à Aulnay-sous-Bois et je pouvais plus sortir. Ah ouais, si j'ai entendu parler de ça. Ils voulaient pas te laisser sortir? Non. Quel foyer à Aulnay-sous-Bois? Au foyer à Aulnay-sous-Bois. Un foyer de mineur? Non, je suis pas mineur, j'ai 32 ans. Oh, tu okay. On dirait pas. Attends, c'est pas madame Favela. Oh, mais prenez un peu le micro, on a besoin d'entendre votre voix. Ok, on est dans 2 minutes, dans l'air. J'ai patienté pour me sentir vivre. Moins du temps, tu piffes. Tu fais jeune? En attendant demain mon ivre. Tu devrais être contente que je te dise que t'es jeune. C'est gentil, c'est vrai. Oui. C'est gentil. On est à 1 minute. Métanoïa. Vous connaissez? On est à 1 minute. Quoi? 1 minute. Oui. Voilà. On va compter quelques secondes et on va arriver. On est à 30 secondes de l'émission de radio. Et c'est Dune qui commence et après c'est toi qui vas raconter tout ça d'un un an que tu venais pas, tout ça, tu parles de toutes tes aventures. Ouais. Et après on va passer à la colonne de sport de Jason. Et non, après on va passer à l'agriculture de monsieur... comment tu dis ton prénom? Mouzamel. Ouais. C'est beau comme prénom. Bonjour madame, venez. On est là. Bienvenue. Bienvenue. Voilà, il est 17h d'une. Tu peux présenter la radio. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la radio Métanoïa, où nous nous retrouvons tous les mercredis pour pouvoir échanger, débattre, se détendre tous ensemble autour d'un moment partagé avec des sons, des musiques, des chroniques. Donc, bienvenue à vous tous. J'espère que vous allez bien, nous espérons que vous allez bien et que vous allez partager un agréable moment en notre compagnie. Nous espérons que la journée s'est bien passée et que cette fin d'après-midi se déroule au mieux pour vous. Nous mettrons de temps en temps des chroniques musicales. Nous avons écouté un son qui était assez envoûtant, PNL, je ne sais pas si vous connaissez, je vous invite à aller le découvrir. C'est un son qui est assez, il y a quelqu'un qui me fait rire, assez lunaire. Donc bienvenue à vous tous, en espérant que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Voilà, merci Dune, hein. C'est toujours bien merci de t'entendre ta voix pour commencer. Puis on a des gens qui reviennent de loin, là il y en a une chroniqueuse. Oui. Qui s'appelle Dune. Tu vas parler après de quelque chose, tu vas arriver, tu vas te chercher dans ta tête. Oui. Et ou dans ton âme, ou dans ton corps, ou dans ton esprit, dans ton cerveau, dans les astres, je sais pas. Et à Christiana, qui ça fait un an qu'il ne venait pas. Et puis. C'est un plaisir de la revoir. De la revoir. Salut Christiana, tu étais où? J'étais. Pendant un an, j'étais au foyer du Pré. Au foyer du Pré, ils m'empêchaient de sortir. Hein, j'étais au foyer, j'ai fait les activités du foyer pendant 6 mois. Oui. Voilà. C'était quoi comme activité au foyer? Ateliers sports, et ateliers bibliothèques. Il y avait beaucoup d'ateliers. Oui. Mais ils ne me laissaient pas sortir, ni pour aller à l'hôpital de jour, ni pour aller à la radio. Ah oui. Et j'ai attendu. Un an. Et pourquoi ils voulaient pas que tu sortes? J'ai pas compris ça. Ils voulaient que je fasse les activités dans le foyer, pas à l'extérieur du foyer. D'accord. Et tu as aimé? Ça a été bien? C'est bien passé pour toi ou pas? Je me suis fait des amis. Des amis qui sont plus handicapés que moi. Ouais. Et après... Et j'étais un peu stressée de ne pas sortir, mais voilà. Ouais, oui, j'imagine. Ils avaient le droit de sortir tous les 3 semaines. Ah oui, juste pour visiter tes amis tous les 3 semaines. Ah oui, c'est... Ouais, un jour sur... C'était 1 jour sur 3 qu'on pouvait sortir. Ah, ok. Donc tu visitais les gens autour, quoi. Tu pouvais pas venir ni à la radio ni à l'hôpital des jours. Non. Bon, mais là tu peux. Oui, parce que j'ai changé de foyer. Ah, tu es où là maintenant ? Je suis à l'Amandier, au foyer à Drancy. J'ai attendu depuis le mois de janvier. En janvier, j'étais au foyer à Aulnay. Et en février, j'étais au foyer à l'Amandier. Ah, cool. Là, c'est plus libre. Plus oui. Cool. Ah, oui. Il y a des personnes qui ont des problèmes psychologiques, mais il prend que les personnes qui ont des problèmes psychologiques. Il prend des personnes qui ont des problèmes psychologiques psychiatriques. Ouais. Voilà. Tout le monde a un peu de problèmes psychologiques psychiatriques, je crois. Hein. Ouais. Presque moi. Venez, venez, on est là à la radio. Venez. Mais oui, ouais, ils devraient prendre tous les politiciens là, qui dirigent la planète, ils sont tous des problèmes psychiatriques graves. Ouais. Bon, mais je suis content. Tout en ce moment. Ouais, en ce moment surtout. Tous les malades se retrouvent au JO. Tous les malades sont au JO, c'est ça. Ouais. Attention avec les micros que ça peut tomber. Prends-les dans la main. Voilà. Tu peux dire bonjour aussi. Hein. Ouais, bonjour. Ouais, on aime bien entendre ta voix. Ouais. Tu veux lui poser une question à Christiana ou pas ? J'ai pas écouté, c'était à propos de quoi ? Elle parlait de son foyer. Ouais. Attends. Tu peux parler parce que je règle le niveau. Ouais, allô. Attends, ouais, allô, mets allô. Un peu plus fort, vas-y. Allô, allô. Là, c'est mieux. Ah ouais, carrément. Ouais, t'entends mieux là. Ouais, ouais. Oui, ça marche. Voilà, non, Christiana, parce qu'elle a dit qu'elle pouvait pas venir à cause de voilà, qu'elle a un foyer, là, elle ne sait pas venir, quoi, c'est tout. Mais là, elle peut. Donc là, elle a un autre foyer où elle se sent mieux, enfin libre. Oui. Elle n'est pas bloquée, quoi. Ah, là, carrément. Ouais. C'est, vous avez un nouveau foyer, c'est-à-dire ? Oui. Carrément ? Oui. Vous préférez votre nouveau foyer ou l'ancien ou le nouveau ? Le nouveau. Ouais. Il doit être bien. Oui, il est bien. Il accepte que les personnes qui ont des problèmes psychologiques. Ils acceptent que les personnes qui ont des problèmes psychologiques. En fait, tous les gens qui ont des problèmes psychologiques à Ville-Évrard, ils viennent dans mon foyer. Ouais. Voilà, il n'y a pas de personne mi, il n'y a pas de personne autiste, il n'y a pas de personne en fauteuil, mais il n'y a que des personnes qui ont des problèmes psychologiques dans leur tête. Voilà. Quoi, par exemple ? Quel problème tu as vu ? Alors, il y a des psychophrènes. Les psychophrènes ? Oui, il y a des bipolaires. Ouais. C'est pas mal les psychophrènes. Ouais. Mais l'invente, oui, les psychophrènes. Et qui d'autre ? Il y en a d'autres, il y a des cas spéciaux. Hein. Calour. Hein. Calour. Ouais. Mais c'est bien parce que là, tu as l'impression, toi, Christiana, que comme on parlait tout à l'heure, tu l'as montré un peu à la radio schizophrénie, comment tu t'es guéri, quoi ? Tu as passé d'aller mal à aujourd'hui, ça va plutôt bien, non ? Oui, ben j'ai vu beaucoup d'auteurs, j'ai fait du dessin. Ouais. Tu as appris à dessiner même avant de parler, je crois. Oui. Donc là, voilà, et puis là, vas-y. C'est courageux de ta part, t'étais patiente, bravo à toi, et je te souhaite une longue vie, et c'est dur la vie, la vie la déhaut, la débat, et... Ouais. Et il a reçu du mieux dans sa vie, il a reçu que du positif. La vie, c'est un combat, la vie. Et j'espère que ça va aller encore mieux dans ta vie. Oui. Ça va aller encore que du bonheur, je te souhaite. Merci. Ouais. Oui. Oui, oui, oui, c'est bien, ça existe. Hein. On pense des fois qu'on va pas s'en sortir, qu'on est malade pour toute la vie, c'est pas vrai. En plus, j'ai parlé avec plein de docteurs que tu as rencontrés à l'époque, des infirmiers, tout ça, et ils m'ont dit vraiment, je pense que Christiana le guérit. Bon, on est jamais à l'abri d'avoir des petits problèmes dans la vie. Oui, mais j'aurais plus les mêmes problèmes, j'aurais plus la personne, je ne veux plus m'enfermer dans des coins ou rester coincé, bloqué, ça c'est fini ça. C'est fini, ouais. Tu es épanouie, ouais. Tu es radiante, lumineuse. Oui. Tu continues à dessiner ? Oui, je continue à dessiner. Ah. Mais sur un dessin, tu dessines quoi ? Des dessins ? De l'abstrait ? Des dessins. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu dessines quoi sur un dessin ? Bah, Excuse-moi, je suis curieux, je suis pas curieux, moi j'aime pas les curieux, c'est juste pour savoir. Des femmes, des hommes. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi je sais pas dessiner, moi. Ah, vous savez dessiner ? Je vais faire de l'abstrait, mais je sais pas. Ah, vous savez dessiner, madame ? Vous dessinez bien ? Oui. Carrément ? Oui. Ouais, il dessine plein de choses, Abel. Faudrait que tu nous vends un tableau. Sur le journal du vendredi, vous avez fait quelque chose ou pas ? Dessiner sur le journal du vendredi, pour que ça va nous montrer. Non, j'ai dessiné, ça fait longtemps, il y a des années que j'ai dessiné sur le journal du vendredi. Ah ouais ? Bah, c'est pas grave. Ouais. Mais ça va venir, hein. il a fait plein de dessins. Ouais. Notamment, il a un personnage qui c'est Princesse Cerise. Oui, c'est ça, tout le monde le sait maintenant, même les gens du foyer le savent. Ouais. Je leur ai dit. Ouais. Ouais. Et tu dessines encore Princesse Cerise ? Oui, j'ai dessiné il n'y a pas si longtemps pour... En fait, au foyer, c'est trop bien ce foyer. On a fait une BD avec. On a fait une BD et ils ont dit on doit faire des super héros. Et moi, ma super héros que j'ai dessinée, c'est Princesse Cerise. Et on a gagné le trophée. Ah oui, avec Princesse Cerise. Ouais. Vous avez été récompensé par. Oui, on a eu récompensé. C'était avec les gens de la bibliothèque. Tous les mercredis, tous les jeudis, on travaillait avec les gens de la bibliothèque et là, ils sont partis en vacances. Et ils ont dit en septembre, on va faire. En septembre, les gens de la bibliothèque, et on va faire un spectacle de théâtre. Oui. Avec les gens de la bibliothèque. Oh, c'est super ça. C'est bien. Et tu vas mettre en scène Princesse Cerise ? Ouais, peut-être. Tu vas la jouer toi-même aussi, non ? Tu te mets un masque. Excuse-moi, Princesse Cerise, c'est quoi ? Moi, je sais pas, moi. Tu peux me dire, c'est quoi Princesse Cerise ? Princesse Cerise, c'est une petite fille. C'est une petite fille que j'ai imaginée. Quand j'étais jeune. Ouais. Ah, okay. Quand j'avais l'âge de. En fait, quand j'avais l'âge de 24 ans, j'ai dessiné Princesse Cerise. Ah, okay. Elle ressemble à quoi ? À une princesse. Elle ressemble à quoi ? Elle ressemble à une princesse. Blonde, avec les yeux verts, très belle. Ah ouais ? Ouais. Bon, on aimerait bien. Ça fait 8 ans déjà. Oui, ça fait des années. Bon, on aimerait bien revoir le dessin, si vous l'avez toujours sur vous. Tu nous amènes un pour la prochaine radio ? Oui, je vous ramène un dessin de Princesse Cerise. On va t'en acheter un, comme ça on va les mettre sur le mur. Oui. Parce qu'à la radio, à l'autre radio, ce qu'ils se font venir, on a plein. Oui. Mais là, on n'a pas, hein, toi. Oui. Mais tu... Et elle évolue, Princesse Cerise. Elle est Princesse Cerise et ses amis, Princesse Cerise et ses copines. Non, je ne sais pas, on ne peut pas savoir. Moi, je parle de Khalil, mais je ne peux pas savoir. Tu peux nous dire un peu toutes les aventures de Princesse Cerise ? Ben, j'ai décidé d'abord, je dessine Princesse Cerise petite. Après, de plus en plus des années, je la dessine. Princesse Cerise adulte, Princesse Cerise mariée, Princesse... Il y a plusieurs aventures, c'est comme... J'ai fait plusieurs aventures. Ça veut dire que vous pouvez créer votre propre bande dessinée, non, un jour ? Oui, peut-être. Ça serait bien, non ? On aimerait bien avoir ça, nous. Ouais, on aimerait bien avoir ça, nous. Mais c'est possible de le faire. Il suffit de fermer les yeux et de d'imaginer des personnages. Quand je dis c'est facile, c'est pas pour dénigrer ton travail. Mais ça me rappelle, moi, quand j'étais plus petite, ouais. Ben, en fait, j'imaginais des personnages. Ah ouais. J'avais mon petit-neveu que je gardais, et tous les soirs, je lui racontais une histoire. Il y avait des personnages principaux. Il y avait Jonas le pingouin, il y avait la girafe, il y avait tel et tel personnage. Ouais, et tous les soirs, je racontais une histoire, et elle était différente chaque soir. Ah ouais ? Et c'était de l'improvisation. Okay. Facile. Toi-même, tu peux créer ton histoire si tu veux. Ah ouais ? Oui. Si t'aimes bien écrire, tu prends une feuille, un stylo, et t'écris en fait les idées qui te passent. Mais c'est pas facile. Non, c'est... Chacun son talent. Par exemple, moi, mon talent, c'est... C'est quoi mon talent déjà ? MDR. c'est l'informatique, moi, par exemple. Oui, chacun son talent, mais on peut s'améliorer dans un domaine si on veut. Ah ouais, carrément ? Ben oui. Vous trouvez que n'importe quelle personne au monde peut faire n'importe quel métier au monde ? Moi, je pense que rien n'est impossible. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Possible. Merci beaucoup pour le conseil, madame. De rien. Oui, donc tu peux raconter un peu quelques aventures de Princesse Cerise, parce qu'il était curieux. Ton prénom, j'ai oublié. Khalil. Khalil, il a... Au début, ça commence à Princesse Cerise quand elle est bébé. Princesse Cerise, Ses parents l'appellent Cerise parce qu'ils ont des cerises. C'est marrant, ça. Et elle grandit de aventure à aventure. Elle a beaucoup de... Elle a une nounou. Elle habite pas en France, déjà. Elle habite où ? Elle habite très loin. Mais loin où, loin ? On aimerait bien savoir, moi. Salut, j'aimerais bien savoir. Loin où ? Ouais, si je peux... Si je peux... Vous savez où elle habite, Marie-Antoinette ? Marie-Antoinette, c'est un trou de mémoire. Marie-Antoinette, c'est au temps de Marie-Antoinette, si, déjà, j'ai un trou de mémoire. Marie-Antoinette, c'est à Versailles, non ? C'est à Versailles, oui. Non, pas à Versailles. Non ? Où Marie-Antoinette, elle habitait avant, quand elle était bébé, quand elle était petite. Ah, je sais pas. Vas-y, dis-nous. Je sais plus où c'est. C'est en Russe, en Russie, un truc comme ça. Ah oui. C'est là qu'elle habite, Princesse Cerise. Et là-bas, elle n'est jamais venue en France. Hein. Elle connaît pas la France. Son mari, il habite. Elle grandit avec ses parents. Et à 16 ans, 18 ans, elle doit trouver un mari. Tout le monde lui cherche un mari. Et on voit un métis, un mec français. Tu viens de France, tu viens la voir, et lui, il parle toutes les langues, et c'est lui, tu viens là, elle tombe amoureuse de lui, et sinon il y a plein de princes, tu viens la voir de toutes sortes de pays, mais elle tombe amoureuse de ce prince-là, et ils habitent ensemble, voilà. Là, c'est la vie de Elle a beaucoup de copines. Elle a une copine métisse. Elle a une copine albinos. Et elle a une copine blonde et une copine brune. Brune, monsieur, blonde. Vous m'avez offert une cigarette. Non, merci, c'est bon. Une blonde, une albinos. Elle a beaucoup de copines de la copine tu viens d'avoir. Et elle a ses parents, elle a sa mère, son père, sa grand-mère, sa tante, son oncle. Et tu habites dans le château avec elle, parce que c'est un très grand château. Et elle grandit en famille. Elle grandit avec une grande famille. Et elle a un petit frère. Voilà. Son petit frère, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne l'ai pas encore imaginé. Mais elle a un petit frère. Ça va venir. Ça va venir, le temps. Donc le temps, ça va venir, je crois, d'imaginer. Je souhaite de l'imaginer le plus rapidement possible. Je vais créer le personnage. Non, c'est bien. Quand il parle un peu proche du micro, comme ça, c'est vrai. C'est bien. C'est au moins, tu crées quelque chose, tu apprends quelque chose. Au moins, tu as de l'imagination. Ouais. Ouais. C'est bien, au moins, tu vois. C'est excellent, c'est bien. Il n'y a rien à dire. Vas-y, c'est vrai. Oui, on a tous de l'imagination. Hein. Il faut juste se connecter avec ça et puis la communiquer. Hein. Oui. Comment tu as réussi à trouver Princesse Cerise ? Comment elle est venue en toi ? Comment elle est venue en moi ? C'est quand j'ai vu les cerises. J'étais au marché, je suis en train de faire du marché avec Elisabeth. Ouais. Au marché. J'avais 24 ans, j'étais jeune. Alors j'ai dit, je dessinais une princesse. Mais je ne savais pas qui dessinait comme princesse. Alors j'ai vu des cerises. Alors j'ai dit, pourquoi, si je vois des cerises, si j'imagine Princesse Cerise. Voilà, c'est tout. Voilà, donc tu as vu un arbre, tu as dit, voilà, cerise. Voilà, non, c'est... Et la cerise, c'est ton fruit préféré ? La cerise, c'est ton fruit préféré ? Oui. Ah, c'est ça, oui. Et puis à partir des Princesses Cerise, elle a développé tout un... Toute une série, vie. Toute une série. Elle est stylée, Princesse Cerise. Elle avait... Des costumes gothiques, non ? Ouais, elle est stylée. Ouais. Elle a des costumes gothiques, elle change. Des fois, elle a des amoureux, des amoureuses. Gothique, ça me dit quelque chose, carrément. Ouais ? Qu'est-ce qui vous parle de quoi, ça ? Gothique, ça me parle... À l'époque, j'avais... Je voulais commander une veste... Ouais ? Assassin's Creed gothique. Gothique, ah oui, gothique. Oui, gothique, c'est ça, non ? Vous avez vu ? Oui, gothique, c'est quoi gothique, déjà ? C'est quoi gothique ? C'est des gens qui s'habillent tout en noir. Ouais. Ouais. Qui ont un style dark. Dark, avec des piercings, avec des tatouages, un peu Dracula, quoi. Vous voulez le parler ? Pour de vrai ? Ouais, un peu Dracula. Un peu Dracula ? Ok. c'est bon, j'ai capté, c'est quoi gothique. Oui, ça a changé à travers les époques, quoi, mais c'est un peu, voilà, un peu des longues... Des longues baisses, voilà, des longues... pantalons, des grandes chaussures. Ouais. Donc, un voilà. Maquillage prononcé. Ouais. Ouais, donc Princesse Cerise, elle a traversé plein de choses. Hein. Oui, elle a traversé beaucoup de choses. Quelle autre chose elle a fait? À un moment donné, elle avait deux amoureux. Ouais. Une amoureux, une amoureuse. Ouais. Polyamour, c'était un peu polyamour. Hein, oui. Et oui. Non, non, mais c'est super. Donc ça, et elle va nous montrer ses travaux. Après, elle va nous amener ses tableaux. Avec plaisir. On est vraiment impatients de voir cette ouais. Princesse Cerise. Ouais. Et là, c'est devenu une bande dessinée et bientôt un personnage du théâtre. Ouais. Donc tu vas écrire une histoire. Elle est blonde. Oui, elle est blonde aux yeux verts. Et il n'y a pas de personnage noir dans ces dessins ? Si, il y a un personnage noir, son copain, son fiancé de 2000, parce que je l'ai fait grandir. elle a 18 ans maintenant. Ah. Et elle a un petit ami, son petit ami est brun aux yeux. En fait, brun, il est brun aux yeux. C'est un métis aux yeux verts, non, aux ouais. yeux bleus. Métis aux yeux bleus, c'est son fiancé. Ah oui. Voilà. Tu viens de France. Ah, français. Elle est mariée avec un Français. Ah oui, d'accord. Et là, c'est papier, Princesse Cerise ou pas ? Non, elle n'a pas encore ses papiers. Ah. Ouais. C'est pour ça qu'elle s'est mariée un Français, alors. Hein. Voilà, c'est pour ça. C'est simple. J'ai tout compris. Ouais, c'est est, pas elle mal. Elle n'est pas bête, ma Princesse Cerise. Elle comprend elle est les pragmatique. Choses. Pragmatique. Ouais. Ouais. Donc, il a un petit frère, tu dis ? Ouais, elle a un petit frère. Son petit frère, il a 12 ans. Ah ouais. Non, c'est toute une histoire. Hein. Princesse Cerise, elle n'avait pas ses papiers, c'est pour ça qu'elle s'est mariée avec un Français. Bah, je sais pas, c'est une idée. Peut-être pas. Non, je pense qu'elle était amoureuse même. MDR, trop drôle. Faut demander à la créatrice. Hein. Ah ouais, c'est parce qu'elle était amoureuse de lui ou c'est parce qu'elle n'avait pas ses papiers. Non, avant d'être amoureuse de lui, ils ont appris à se connaître. Ils étaient amis. Ouais. Ils sont restés un an amis. Après, ils ont attendu 4 ans pour se marier quand même. Ah ouais. Bon, c'est bien. Un an ami. Après, ils sont restés 4 ans en couple et là, ils sont mariés. Ok. Ah oui, c'est une belle histoire. Ils vont avoir des enfants, peut-être, non ? Oui, j'espère pour eux. Mais là, ils sont jeunes. Ah oui. Princesse Cerise, elle a 18 ans et lui, il a 21 ans. Bah, on peut avoir des enfants à cet âge aussi. Ça change rien. Voilà. Ça arrive, hein ? Ouais, ça change rien. Wallag, ça change rien. Ouais. Mais bon, s'il veut l'attendre, c'est mieux. Ils font les choses d'une manière très, vous voyez, très rationnelle. Lentement, quoi. Hein ? Lentement, mais sûrement. Ouais, lentement, mais sûrement. C'est une histoire qui dure déjà des années. Hein. 5 ans d'amour. Ouais. Quand même. Et puis, Princesse Cerise, elle a expérimenté d'autres choses aussi. Hein. Ouais. Elle n'était pas qu'avec lui. Hein. Ça. Tu rigoles. Elle a eu des histoires, des polyamours, des femmes, des fonds. Bah oui, pour de vrai! Princesse Cerise, c'était qui? Non, je m'embrouille là. Princesse Cerise, elle me ressemble. Princesse Cerise, c'est comme si c'était moi, mais ouais. En princesse. Voilà, ouais, carrément. C'est un peu son double. Voilà, un peu mon double. Vous disiez quoi? Elle a eu d'autres expériences dans sa vie, Princesse Cerise? C'est ton double, c'est comme si c'était ta sœur, ton. Non, en fait, c'est comme si. C'était moi, mais en princesse. En princesse, bien. J'apprécie, j'aime bien. Et oui, et à travers ça, il a fait tout un parcours et génial. Moi, j'aimerais bien le voir au théâtre, ça. Ça serait superbe. Tu nous inviteras ? Oui. Bon, super. Et Jason, il vient de loin, là. Il se réveille petit à petit parce qu'il a pris l'avion, il a fait beaucoup de voyages. Oui, parce que c'est notre chroniqueur du sport. Il a suivi la fin de la Coupe Amérique, il a suivi la fin de... T'as suivi quoi ? Non. Tu as suivi quoi alors, Jason ? Attends, je vais tenir un micro parce que tu n'as pas... C'est trop fort. Non, mais trop fort, mais je peux baisser. Tu m'as dit, je baisse un peu le volume. Mets-le parce que sinon, tu n'entends pas les autres voix. Tiens, je te donne le micro, comme ça, tu peux parler. J'ai pas suivi l'image de la Copa América. T'as suivi quoi là ? Vous êtes artiste, monsieur Jason ? Là, je parle la semaine prochaine au Camping World Stadium. C'est où ça ? En Floride. En Floride ? À Miami ? Ouais, pour quoi faire ? pour le match amical Barcelone-Manchester. Manchester City. C'est vrai. Ouais. Audrey, il a suivi tous les matchs au monde, lui, carrément. Ouais. C'est vrai. C'est pour ça qu'il est toujours fatigué et des fois il tombe un peu. Ouais, je vois, ouais, j'ai tout capté là. Tu pourras faire un petit tour à Miami, tu pourras faire un petit tour à Walt Disney, là, un grand Disneyland à Miami. Ouais. Plus grand qu'à Paris, il est 100 fois mieux en plus. Ouais. Ensuite, dimanche 4 août, je m'en vais au stade Luis Companys, Barcelone Real Madrid. Et tu vas comment, en avion ou en train quoi? En avion. Tu as ton jet privé? Oui, j'ai un jet privé. Ah. T'as la classe, toi, tu vis? Ensuite, t'as ton propre jet privé, MTR, moi j'ai. Ensuite, c'est lui qui paye ses billets. Barcelone, AC. Ah, c'est mon psychiatre qui me fait les billets. Ah, c'est le psychiatre carrément? C'est le psychiatre. Bah, c'est pas ton propre jet privé, mais jet privé dans ce cas. Qu'est-ce qui paye? Non, c'est... Le psychiatre. Je monte dans le jet privé et... Voilà, c'est la région. D'accord, ça marche pas, je crois. Si, ça marche. Tu t'entends pas? Ça marche. Ça marche, t'entends, moi. T'entends, ah bon? Tu t'entends pas? Non, je m'entends pas. Là, tu t'entends. Mais c'est bien, Jason, tu pars où? Oui, là, je pars où, là? À Milan. Ah, la chance. T'as beaucoup d'imagination. À Baltimore, en Maryland. À Baltimore. Ah, tu y crois pas? Et t'es allé combien de fois? T'es déjà allé en Amérique? Non, jamais. T'es déjà allé au... Mais hey, regarde ça à la télé! T'es déjà allé au Pakistan? Non, ça me dit rien. Ah, tu viens du Pakistan? Non. Si, si. Tu viens du Pakistan? Ah, si. Non, je suis né en France. Je suis français, mais je suis d'origine pakistanaise. D'accord. T'as déjà été au Pakistan? Ouais. C'était bien? Ouais, c'était trop bien de fou. C'est bien. C'est super ça. Salut Ringo. Et ensuite, je vais préparer. Bonjour. Les premiers matchs de la Liga. La Liga Santander. Ah, je te jure, si y'a rien à voir, je connais ton truc. C'est tout. Attends, je sais pas combien ici, mon gars, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la finale de la Coupe d'Europe et tout ça? Ah, la finale. Sacrée finale. Ouais, c'est dommage. 0-0. Un match très très serré. Ouais. Avec. Entre l'Espagne et l'Angleterre. Morata, il n'a pas marqué. Le capitaine, il n'a pas marqué. Il a raté des occasions. Sinon, but de Nico Williams, c'est les jeunes qui marquent. Quel âge il avait? Je sais pas. Le plus jeune joueur... de l'Euro, c'est Lamine Yamal. 17 ans et un jour, il remporte l'Euro. De vrai, c'était un Espagnol, non, ce Lamine Yamal, ou je sais pas quoi. Espagne-Marocain. Espagne-Marocain. Oui, mais il a préféré jouer pour l'Espagne. Moi, les choses que okay. Et le Barça. Ok. Et pour et le sauveur égalisation par de l'Angleterre retour à zéro et pour finir but de Oyarzabal à la limite du hors-jeu à la limite du hors-jeu qui fait gagner l'Espagne pour la quatrième fois champion. L'Espagne a gagné l'Euro en 64, 2008, 2010, 2008, 2012 et 2024. La Coupe du Monde 2010. La Coupe du Monde 2010, exactement. Mais ce qu'il garde, c'est 2008, 2010 et 2012. Et 2024. Oui. 4 fois champion d'Europe et une Coupe du Monde. Bon, on a un peu de perturbation dans la radio, mais ça va venir. 4 fois champion d'Europe plus une Coupe du Monde. Et c'est quoi les prochains tu as pas suivi la Coupe Amérique, non? Moi j'ai suivi la Coupe Amérique, moi. L'Argentine. Sacrée surprise que le Brésil se soit fait éliminer. Bon, et tu voulais peut-être parler. L'Argentine devient le. On a qui gagne, c'est l'Argentine qui gagne le plus de Copa América. C'est égalité avec l'Uruguay. Oui, c'est l'Argentine maintenant qui gagne Copa América en plus. On bat la Colombie en prolongation. Ils n'avaient pas gagné à part 2021. Avant 2021, quand ils ont gagné la Copa América, ils n'avaient pas gagné la Copa América depuis les Batistuta en 91. Si je ne me trompe pas, 91 ou 93. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu voulais parler d'autre chose, Jason, là ? Oui, je vous en prie, les champions en titre aux Jeux Olympiques. Moi, je ne vais pas rester pendant des heures pour toi, pour ne pas voir rien du tout. Vas-y, Jason. Les Jeux Olympiques, pour l'instant, en foot, les champions en titre olympiques, c'est le Brésil. Sans Neymar. Non, c'est 2016 et 2020. 2012, je sais que 2012 c'est le Mexique, 2016 c'est le Brésil contre l'Allemagne au penalty. 2020, j'ai pas suivi 2020, j'ai pas 2021, c'était à Tokyo les Jeux Olympiques. 2021, c'était. C'était qui? Brésil. C'est Brésil qui a gagné. Ouais. Ouais. C'est Brésil encore qui a gagné. Encore Brésil. Encore Brésil, hein. Ouais. Ah ok, tu m'apprends quelque chose. Bon, merci. Cette chronique, Jason, chronique de sport, accompagnée par Khalil. Hein. Khalil. Moi, je vais vous raconter. Vas-y, Khalil. Moi, je vais vous raconter une chose. Ouais. Ringo, si tu veux pas participer, tu peux rester dehors, s'il te plaît. Mais sinon, fais pas de mal. Arrête d'avoir le profil envers les gens. D'accord. Vas-y, Khalil, si tu veux. Pour te faire connaître, que je chante pas ton manège là. Est-ce que tu vas mettre quelque chose à moi à chaque fois qu'il y a le mal, Vas-y Khalil, on t'écoute, vas-y. En 1966, il y a eu la Coupe du Monde en Angleterre, la Coupe du Monde, l'Angleterre était le pays hôte, et la Coupe du Monde était... Écoute, dans la Coupe du Monde 2010... Non, je te parle de la Coupe du Monde 1966. C'est toujours pas le vrai vainqueur, en fait. Si, moi, c'est le vrai vainqueur. Ah bah, excuse-moi. Ah, je veux dire... Vous pouvez dialoguer, hein. Excuse-moi. Dans la huitième de finale entre l'Allemagne et l'Angleterre, ils disaient que... Ils savent toujours pas le vrai vainqueur de... C'est le but, c'est la transversale. S'il avait but ou pas. Ouais, c'est l'Allemagne qui aurait gagné. T'es vraiment fort. T'as quel âge, sans indiscrétion? 24 ans. T'es un champion. Pour ton âge, t'es un champion. S'il n'y avait pas la transversale, ce serait un autre match. Je suis d'accord. Si le but serait un autre match, ouais. Oui, mais sauf que dans la huitième de finale, c'était la finale. Non, la huitième de finale en Afrique du Sud. Ah, tu parles en 2010, la Coupe du Monde en 2010. Oui, Allemagne-Angleterre. Il y avait but. Il y avait but, mais l'arbitre. Les Allemands, ils ont gagné 4-2. Ils ont gagné 4-1 ou 4-2, je crois. 4-1 ou 4-2, je crois. 4-1. 4-1, ouais. Et ouais, l'arbitre n'a pas. Parce qu'il n'avait pas là-bas. Il n'a pas vu le but. Pour les Anglais, tu parles. Ouais. Non, pour les Allemands. Pour les Anglais. Ah ouais, les Anglais. Là, il y avait le Baron 30. Bien joué. Mais l'arbitre n'a. La VAR n'a pas. N'existait pas à l'époque. La VAR, la fameuse VAR. La fameuse VAR. Il y a 10 ans, est-ce que la VAR existait déjà, s'il vous plaît? La VAR, c'est qui? La VAR, c'est la caméra. Oui, c'est la caméra. C'est la caméra, mais. Mais il y a 10 ans, est-ce qu'il y avait la VAR? Elle est plus. Oui, il y avait. Il y avait la VAR. 10 ans, elle est plus. C'est plus strict, c'est plus. Comment dire ça? C'est plus vers 2006, la VAR. Ouais. Non, 2006, ça n'existait pas là-bas. 2006, ça n'existait pas, c'est la Gun Line. Ça existait, c'était la Gun Line. Ah, bah c'est en 2010. La VAR. Les Algériens n'ont pas arrêté de demander la VAR. La VAR. C'est plus 2008-2010. Un peu plus. C'était la Gun Light. Avant c'était la ça s'appelait la Gun Light. Ah, c'était la montre. Après maintenant c'est plus pro. Comment ils sont sophistiqués maintenant, tu vois? Ils sont dans leur camion, ils vérifient l'arbitre. L'arbitre il a son écouteur et c'est lui qui décide. Quand il voit que c'est il est pas sûr, il va voir directement à la caméra, il va voir dans l'écran. Et les messieurs, ils sont dans un camion carrément? Ouais, ils sont dans un camion. Ils ont des normalement, dans la Coupe américaine, il n'y a pas de prolongation en finale. Ils sont dans un camion, ils ont des télés. Et ils voient tout. L'œil de Moscou. L'arbitre, là, L'arbitre, il a la télé, mais la télé, lui, c'est vraiment si... C'est ce qu'on va lui dire au On va lui dire, va voir à la télé, va voir à la télé. Il peut siffler pénalty sur la barre, tu vois, il peut... Bien sûr. Ça, le football, il a changé. Le temps, le foot est révolu. Très intéressant. Ouais, super. Et là, on a deux chroniqueurs de sport. Je vois qu'ils sont tous les deux fiers de sport. Il faut qu'il t'invite dans son jet privé, lui. Hein. Ouais, j'aimerais bien, moi. Et tu as deux places ou pas? Non, Pour moi. Pour lui, tu as une place? Je reprends le 17, le 17 août. Le 17 août, il va avoir des places. Il faut que tu achètes un nouveau jet. Le 17 août, je reprends avec mon équipe, avec Barcelone. Ouais. Je comprends maintenant pourquoi tu es fatigué, tu tombes. Ah, ton équipe de foot, c'est Barcelone? Oui. Ouais, moi aussi, c'est Barcelone. Ouais. Voilà. Donc, vous êtes content? Vous êtes content comme Mbappé rejoint avec Barcelone? Je n'ai strictement rien à faire. Il va dans le classico, mais Mbappé, il était nage à la Coupe du Monde. J'ai vu Mbappé pendant la Coupe du Monde. Lamine Yamal contre nage de fou. Mbappé, c'est un sacré duel. Ah oui, ça va être sympa. Mbappé, il était nage de fou pendant la Coupe du Monde. Et quand on a parlé de foot, on a confondu la Coupe du Monde 1966 et la Coupe du Monde 2010. Ouais, c'est dans la Coupe du Monde 2010, dans un match, ils ont dit que... En 66 aussi, ça s'est passé, mais pour la finale. Ouais. On avait but, mais ils n'étaient pas sûrs. Et les Anglais ont gagné 4-2 en finale, 4-1. Carrément, vous êtes remonté jusqu'en 1966. Ouais, ils ont remonté avec lui, ça. Et je vais vous raconter une anecdote. Oui. En 1966, l'Angleterre était le pays hôte. La Coupe du Monde était volée. Vous vérifiez sur Internet. Les gens ne savaient même pas. Volé par qui? Ah, c'était volé par des contrôleurs. La Coupe du Monde, c'était la Coupe du Monde du Lorient. Elle a été volée. Elle a été retrouvée par un chien qui s'appelait Pimiki. Ils l'ont retrouvé dans un parc à Nottingham Forest. Ah oui? À Buddingham, la Coupe du Monde était volée. Le chien, il l'a trouvé? Le chien a trouvé la Coupe du Monde, elle a été volée. Ouais. Ah, je ne savais pas cette histoire. Ça, vous l'avez lu où? Dans l'équipe? Je l'ai lu, même pas dans un journal, c'était quand j'avais 12 ans, en 96. Ouais. J'ai lu. Ah oui, c'est intéressant comme anecdote. Il faudrait faire comme ça, amener des anecdotes. Même les pronostiqueurs Riolo, ils ne connaissent rien du tout. Moi, j'écoute parce que des fois, moi, je joue de l'argent. Mais sinon, j'écoute le sport parce que j'ai fait du sport. Moi, j'allais dans les stades de foot. J'allais à l'Arena d'Amsterdam. Maintenant, c'est l'Arena Cruyff à Amsterdam. Là, oui. J'ai fait les stades de foot. Je suis allé. Je suis pas en plein. J'allais dans les stades de foot à l'époque. C'est sympa, hein? Ouais, c'est sympa, c'est bien. Mais maintenant, ça m'intéresse plus. Il y a trop de... C'est trop cher déjà. C'est trop cher pour rien. À l'époque, ça valait le coup, même si c'était cher. C'est moins cher. Maintenant, c'est... Paris, à l'époque, c'est pas cher. Depuis que le Qatar a racheté en 2011, ils mettent des sommes pour se voir sortir en demi-finale. C'est un club de pauvres types. Paris, ça existe depuis 1970. Ils ont gagné la Coupe des Coupes 1996. J'aime bien le Paris Saint-Germain parce que je suis Paris Saint-Germain. Mais mon club, c'est le Barça. Je suis un pur parisien. C'est pour ça que je supporte le Barça. Moi, je suis pur parisien. Si la Paris Marseille, je suis pour Paris. Mais si j'ai joué de l'argent, si j'ai joué Marseille, ben, je suis pas un footix. Hein. Si j'ai pas d'équipe, j'ai qu'une équipe, le Barça. Maintenant, l'Argentine-Maroc, je suis pour le Maroc. C'est normal, c'est mon pays. Mais maintenant, si j'ai misé de l'argent sur l'Argentine, je serais pour l'Argentine. Je me mens pas moi-même. Et Paris-Barça, vous êtes pour qui? Pour le Barça, finale de la Coupe des Coupes 97, but de Ronaldo sur penalty. Ah oui. Et là, vous avez vu ce joueur de Barça qui est sa mère, elle a traversé le Sahara, qu'elle était. C'est celui qui a fait le but là pour la. Lamine Yamal? Ouais. Ah, celui qui a intégré en Espagne, Lamine Yamal, il est plus fort que Messi à son âge, 16 ans et demi, c'est un phénomène. Non, il a 17 ans maintenant. Ouais, il a eu ses 17 ans il n'y a pas longtemps. Le 13 juillet. Ouais, exactement. Vous êtes fort! Ouais. Fort, je suis attiré exactement la date. Ouais. À quelle heure? Je sais pas. déjà 16 ans, il est en équipe première au Barça, c'est incroyable. Ouais. Photo de Messi avec lui, bébé. Il a eu un gâteau. Oui, on dit qu'il est plus fort que Messi. Hein. C'est le nouveau Messi. Ouais. Un gâteau en forme de ballon. Faut pas changer. Voilà. 17 ans quand même. Il s'appelle Lamine Yamal, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est l'avenir du Barça. Là. Maintenant. C'est l'avenir du foot. L'avenir du foot espagnol. Ouais. Ouais, si. Son père est d'origine marocaine. Marocaine, ouais, bien, bien, exactement, bien joué. Il est marocain. C'est ça. Bien, oui. Et sa mère est d'origine Équateur-Venezuela. Ah, vous êtes bien. Vous êtes calé, je ne sais pas tout ça, moi. C'est pas, c'est, la, c'est comme ça, c'est le foot. Là, c'est il le... a plusieurs nationalités. Ouais. Avec l'Espagne d'origine. Aussi. Et lui, bien sûr, et espagnol. Et le club du Barça, pour l'instant. Oui, mais il y avait un autre joueur aussi, qui sa mère n'avait pas de papier, qui traversait la mer pour... J'ai oublié, ça me dit. Oui, oui, qui a fait un but aussi pour la finale ou la semi-finale, je ne sais plus. C'est aussi très jeune. Ouais. Des filles Non. Tom. Pas Lamine Yamal, je crois pas, non. Je crois. Si, Lamine Yamal, c'était Lamine Yamal. La bien, oui. Le premier but, c'était Lamine Yamal. Et le deuxième, c'était qui? Ah non, non, mais la demi-finale, alors. Y a okay. Entre l'Espagne et l'Allemagne. Ah, Mikel Merino. Ouais, voilà. Mikel Merino. Et il est né quand, lui? Le 2 mai. C'est faux, c'est faux. Encore du boulot, Jason. Le premier, c'était la spéciale de Lamine Yamal. Il essaie toujours de la faire dans le championnat espagnol, mais ça marche pas. Mais quand on réfléchit bien, c'est dingue ce foot. C'est fédérateur, certes. À peine 17 ans, il est encore plus fort que Messi. Oui, mais ce qui est incroyable, c'est que c'est fédérateur. C'est un sport qui met de la joie à tout le monde. Mais quand on pense au prix, au montant de leur salaire, c'est carrément un PIB d'un pays. C'est scandaleux. Mais moi, je comprends, moi. C'est scandaleux. C'est ouais, non, ils travaillent toute leur vie. Qu'est-ce qu'ils font un jour? Ils vont travailler toute leur vie, ouais, c'est triste. C'est trop, c'est... Si tu serais footballeur, t'aurais pas dit ça. Tu serais footballeuse. J'aime le sport, j'aime les défis, j'aime les compétitions. Le sport, et le foot et le sport où, en fait, ils sont le plus rémunérés. Là, je trouve le basket, il y a beaucoup de sports. Le golf, ça paye. Le tennis, ça paye. Mais pas autant que le foot. Ça paye le tennis. Pas autant. Non. Le basket, NBA, ça paye super bien. NBA, dans les grandes équipes. Ça paye. Dans les grandes équipes. Je suis d'accord avec toi, le foot, ouais. Mais c'est le foot qui fédère le plus, mais quand tu réfléchis, tu te dis, mais tout ça pour pousser une balle dans une cacage. Je suis en train de casser un petit peu sur le truc. Quand je regarde un match, c'est indécent. Oui, mais quand on réfléchit au truc, c'est indécent quand même. Je sais, mais mon père aussi, avant, il pensait ça, que c'est juste des gens qui courent à une balle, maintenant, ils kiffent de ouf. Moi aussi, j'apprécie. Sauf que ce que j'apprécierais, c'est qu'ils aient des salaires qui soient normaux, parce que quand tu dis que, par exemple, si on parle de Mbappé, il a eu le changement de club, il est parti au Barça, au Real. Ouais. Combien il a eu? Il va toucher moins qu'au PSG. 100 millions. C'est pas normal. C'est 100 millions par mois. Il gagne pas 100 millions par mois. Il serait plus riche que Rod, il serait Bill Gates, il gagne pas 100 millions par Peut-être mois. Peut-être c'est lui qui paye le jet privé de Jetson. C'est 100 millions, il les a les 100 millions. Ouais, c'est Mbappé, hein. Il gagne pas 100 millions parce qu'à l'année ça reste 1 milliard. J'ai jamais croisé. Et la fortune de Ronaldo, c'est 1,8 milliard. Il gagne pas 100 millions d'euros par année. C'est impossible qu'il gagne 100 millions d'euros par mois. C'est pas possible. C'est pas, ça doit être par bon, année. Il est pas loin, en tout cas. Moi, je crois que 100 millions par année. Il doit toucher plus les contrats. Il touchait au PSG, il gagnait 6 millions d'euros par mois, mais il gagne pas 100 millions. Même Tiger Woods, il faisait pas 100 millions par mois. C'est pas vraiment, mais je sais, c'est pas vraiment. Aucun sportif fait 100 millions d'euros par mois. Mais j'ai vu sur Google, c'est ça. Aucun sportif fait 100 millions d'euros par mois. Moi, je crois que c'est par but. C'est par but. Non, c'est pas par but. Ils sont pas payés par but. Ils sont payés par rapport à leur place, à leur statut, à leur nom. Les sponsors, c'est scandaleux quand même. Ouais, mais ils méritent. Non, ils méritent pas. Pourquoi ils méritent pas? Les autres travaillent autant, je suis désolée. Celui qui va travailler le matin ailleurs, il se lève pour l'entraînement, c'est normal que tu t'entraînes. Non, mais je comprends, je suis tout à fait d'accord avec toi, Nana. Je comprends, je respecte le postier, je respecte celui qui fait le ménage, c'est un métier, c'est... je respecte tout le monde, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a trop d'argent en jeu. La poche sous métier. Mais le sport, c'est qui? Le sport, c'est fédérateur à l'époque. Le sport, il touchait pas comme ça dans le foot à l'époque. Hein. C'est vrai, c'est pas normal. Dans les années 90, ils touchaient bien leur vie, mais ils touchaient pas comme maintenant. C'est clair. Canal+, le foot à la télé en France, ils sont en retard. Le foot, ça existe à la télé depuis 84, depuis Canal+, ça existe. Les Français, ils sont en retard dans le foot. Ils sont en retard. En France, c'est la honte. On n'a qu'un journal sportif. On va en Italie, on a la Gazzetta, on a plusieurs journaux. On va en Angleterre, on a le Suns, on a plusieurs journaux. Mmh. En France, on a qu'un journal sportif. L'Équipe. L'Équipe. France Football, c'est pas que du football, mais parlons de tous les sports. Mais il y a des chaînes quand même de sport. Chaînes, ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas de chaînes à l'époque. Mais maintenant, il y a des chaînes de sport. De toute façon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'argent. Pourquoi ils gagnent autant d'argent ? Mais les comédiens, ils gagnent aussi beaucoup d'argent, les comédiens. Les comédiens. Mais ils ne gagnent pas des millions, si, arrêtez. Ils gagnent des millions. Brad Pitt, les acteurs d'Hollywood, ils font plus d'argent que les footballeurs. Là, footballeur et footballeur, attention. Hein. Là, des footballeurs, ils font 30 000 euros par mois. Le salaire de base de Ligue 1, c'est 100 000 euros par mois. Ça dépend 80 000 euros par mois. Moi, je parle de ceux qui gagnent trop d'argent. Je parle de ceux-là. Mais quand t'as fait un bon film, t'as eu un Oscar, tu gagnes beaucoup d'argent. Bien sûr, merci. Ah oui, mais les Oscars, c'est pas la même chose. C'est une réalisation, c'est de l'art. C'est pas pareil. Non, mais attends, Oscar, c'est là. C'est pas pareil. Là, les stars d'Hollywood, les stars françaises. Les stars françaises, par rapport aux stars d'Hollywood, ils gagnent des broutilles. Oui, moi, je suis contre les personnes qui gagnent d'une manière exorbitante. C'est de la jalousie, ça. Non, c'est pas de la jalousie. Si, c'est de la jalousie. C'est une conscience politique, c'est une conscience éthique. Non, c'est pas une conscience politique. C'est une conscience éthique. C'est pas une conscience politique. C'est une conscience éthique. C'est pas une conscience politique. Moi, je suis pour le partage des biens. Je suis pas pour qu'une personne, elle ait en fait plus d'argent que tout un village. C'est pas normal. Mais ça, c'est... j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est pas de la jalousie du tout. Alors là, loin de là. Ah non, loin de là. Tu regardes le... Non, non, j'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai compris. C'est exactement de la jalousie. Allez, on passe à autre chose. On passe à autre chose. C'est pas de la jalousie du tout. Qu'est-ce que tu veux que je jalouse des personnes que je ne verrai jamais? C'est pas de la jalousie. S'il faut juste un peu relever son nez un petit peu de temps en temps et se questionner sur les... Non mais je finis ma phrase. C'est juste en fait... Alors déjà, il ne faut pas jurer déjà. Il faut pas jurer. Non mais c'est pas toi qui tiens le journal déjà, ok? C'est pas toi qui tiens la radio. Donc c'est pas toi qui dis on stoppe le sujet. D'accord ? Je finis ma phrase. Je parlais des personnes. Oh, c'est bon, tranquille, non, tranquille. Non, mais lui, il dit on arrête deux fois, il est mort de rire. Je pense qu'elle a raison, il dit pas voilà. Il dit pas adieu. On n'a pas à jurer. Pas. Non, mais il ose parler. Déjà, avant, il parlait pas, maintenant, s'il parle. Ah oui, bah, moi, je le connais pas personnellement. Hein. S'il parle, c'est bien, mais qu'il parle correctement, déjà. Moi, je dis juste qu'il ne faut pas qu'il soit payé trop. C'est tout ce que je suis en train de te dire. J'ai compris. Nana, regarde, les footballeurs. Ils méritent plus, là, des footballeurs, c'est des ingrats, ils méritent pas. Nana, ils étaient bons pendant un an, et ils ont fait un contrat, c'est le contrat, ils ont fait un contrat de 5 ans. Pendant 6 mois, ils étaient bons. Après toute leur carrière, ils sont pourris, ils ont fait de l'argent. Nana, ils ont fait de l'argent, ils sont tombés à la banqueroute. Là, des basketteurs, mais c'est rare, ouais. C'est rare, t'as vu, c'est rare. Un footballeur, même un vieux footballeur de deuxième division, il vit en France. En France, il n'a vécu la première division et la deuxième division qui paye. Maintenant, la Nationale 3, c'est la troisième division, c'est... Bordeaux qui vient de descendre en troisième. Bordeaux, ils sont descendus en National. Ouais, ouais. À cause de quoi? D'argent? Je sais pas, ils sont en troisième, là. Ils sont en National. On parlait de quoi, maintenant? Mais du foot, comme d'habitude. Non, je peux parler de quoi? Oh non, on peut écouter de la musique, tranquillement. Oui, on va mettre une chanson et après, on va passer à l'agriculture. Moi, je me dis qu'il a un accent un peu latinos. Latino, non. N'importe quoi. Mais si. Moi, un accent latino, c'est-à-dire. T'as un accent latin, un petit peu latinos. Un petit peu latinos. Ouais. C'est bien. Bah oui, c'est bien. C'est pas. Ok. Pourquoi tu parles espagnol? Tu parles. Mais non, je parle pas du tout espagnol. Je parle français. Mais je sais pas, t'as un accent brésilien, on dirait. N'importe quoi. Il y en a, ils me disent accent latino. Non, il y en a, ils me disent accent brésilien. N'importe quoi. Mais c'est joli. Ah ouais. Il faut prendre ça comme un compliment. Ah ouais, pour de vrai. Oui, bien sûr. Okay. C'est pas de la moquerie. Ok, merci beaucoup. Pas de toi. Accent brésilien, n'importe quoi. On se moque pas de toi. Sur la playa. On peut continuer à parler, hein. On peut continuer à parler, si ça marche. Là, je suis sur la plage et je cours chercher mon cocktail. Tu es avec moi? T'es où à Saint-Tropez? C'est trop cher pour toi, Saint-Tropez. C'est trop cher, surtout qu'il n'y a personne en ce moment là-bas. Non, je suis à... tu es au Brésil. Brésil. Joga bola com jogador, joga bola corocondo, joga bola jogador, joga bola corocondo, here here here jogador, here here here corocondo, here here here jogador, here here here corocondo. C'est parti au Brésil. C'est parti au Brésil. On va aller au Brésil l'année prochaine. Toi, tu es inscrit, tu es inscrit. Je vais partir au Brésil avec la musique. Ah, la capitale du Brésil, c'est le Brésil. Bon. Bon, on revient doucement. Bon, on est de retour après cet épisode footballeur et sportif. Si, ils sont là. Tiens, il est là, le tam-tam. Et donc, Mastafa, elle va faire sa chronique sur la. Elle va nous parler de l'agriculture. Ton prénom, j'ai oublié. Attends, Mastafa, ça. Non, c'est Mouzamel. Mouzamel. Ouais. Mouzamel, c'est joli ce prénom. Tu vas nous parler d'agriculture, c'est ça? Tu ouais, voulais dire ça, quoi ça. Vas-y, on te. Je veux dire que pour les gens là qui foutent rien dans leur vie, faut aller faire de l'agriculture. Ah oui. Ouais ouais, ça tente en plus, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est quand tu vois tes plantes grandir et tout, en plus c'est un très bon métier. Tu en fais un peu? Non, il est parti. J'en ai fait une fois avec le monsieur là qui était là. J'en ai fait. Tu fais du bétail, tu le foin, tu fais quoi? Prends ton tracteur. De quoi? Tu connais l'agriculture? C'est vite fait. Tu fais quoi? Tu sais semer des choses? Tu fais les vaches? Bah faut. C'est-à-dire? Quel type d'agriculture? Celui que tu poses la question. Quel type d'agriculture que j'avais fait? Bah j'avais mis des tomates cerises. Là-bas, là. Ah, on va voir, je vais aller juste voir. Ah, ils sont là, oui, c'est vrai qu'ils sont dans la cour, là. Après, on va les voir tous ensemble, oui, mais pour les gens de la radio. On va voir si ça a poussé. Il a semé, là, dans les jardins, dans les balcons de la radio, des tomates cerises. Ouais. Tu l'as fait quand, ça? C'était la dernière fois que j'étais venu ici. C'était quand, l'année dernière ou? Non, c'était. Il n'y a pas longtemps? Oui, il n'y a pas longtemps. Ah, d'accord. Ouais, ça fait 3 semaines. C'est super. Oui, bah bien, bravo. Tu vas nous apprendre à faire. Ah ouais, carrément. Ouais, j'aimerais. On va faire. La prochaine fois, on va aller mener de la terre, on va mettre des micros dans la. Tu sais qu'on peut mettre des micros contact ou des micros d'hydrophone sur la terre, comme ça on écoute tous les mouvements qu'on fait sur la terre. Carrément. Ouais. Des micros quoi? Des micros de contact ou d'hydrophone ou des géophones, c'est-à-dire des micros qui captent le son de la terre ou quand tu manipules la terre. Ouais, j'ai capté. Ça peut être sympa, non? Ouais, on peut mettre ça. Tu nous montreras ça la prochaine fois. Ok. Donc tu dis que l'agriculture peut aider les gens qui n'ont pas d'argent, c'est ça? L'agriculture, ça paye pas. Malheureusement, c'est un métier où l'on se pire. Ouais. Bah, il faut que ça paye plus alors. Il faut que ça l'agriculture, passe. ça doit être bien rémunéré. C'est grâce aux fermiers. Le lait, la viande, les fruits. Il faut que ça soit plus rémunéré que ça. Je dirais 15 000 euros par mois, c'est bon. Tous les métiers méritent plus rémunérés. Bon, ouais. il faut un salaire universel, comme on disait avec certains politiques, non? En France, il faut de l'argent en France. Pour bien vivre, c'est tout a augmenté. C'est plus comme avant en France. Si tu veux acheter des cigares et du tabac, il faut toucher 5 000-6 000 euros par mois. Oui. C'est 12,50 € le paquet. Ah oui? Ouais, c'est 12 euros. C'est déjà bien. Hein. Puis là, il y a Eric qui nous dit la princesse tomate cerise. C'est la nouvelle pour nouveau personnage. C'est 20 euros le paquet, mon gars. C'est combien? 20 euros. 20 euros. Ah ouais. Bah, là-bas, t'es pas payé comme ici. Hein. Bah, c'est bien alors. Si c'est 20 euros, il faut que ça soit. Moi, pourquoi c'est 20 euros? Il faut que ça soit 30-40 euros. 40 euros le paquet minimum. Il faut juste aller à la frontière français et suisse. Tu travailles en Suisse et tu reviens en France. Là, tu vas être plus que frais parce que là-bas, t'es payé grave cher. Ah ouais? Juste, je te préviens, il y a des gens que je les ai vus sur Internet. Ouais. Et juste coiffeuse, c'est payé 2800 euros. 2800 euros coiffeuse? Coiffeur aussi, il faut que ça augmente. À mon avis, coiffeuse aussi, il faut que ça fasse au moins 5 000 euros par mois. Non, pour de vrai, hein. Faut pas se plaindre, s'il te plaît. D'accord? Arrêtez de critiquer les Français. C'est bon. Parce que j'en ai marre de ça. T'as vu, je peux crier. Tu peux les embrasser. Non, j'ai jamais critiqué les Français, moi. C'est leur maquillage. J'ai jamais critiqué les Français. Mais on est... Tu dis que c'est cher, il y a des endroits que c'est plus cher. À Paris, c'est la ville la plus chère. On est dans l'Île-de-France. À Paris, tu vas à la campagne, tu vas dans le nord. C'est pas cher, les appartements. C'est vrai. C'est pas cher, ici, à 100 000 euros. À Carcassonne. À 150 000 euros. Les cigarettes, ils coûtent 12 euros aussi à Carcassonne. Tu vas dans le nord, à 200 000 euros, t'as un pavillon, t'as des terrains. À part être 200 000 euros, t'as même pas un appartement. Ah ouais? T'as un appartement, vas-y, il est pas neuf ton appartement. Il paye 30 euros par mois. Tu m'as dit mon gars. 30 000 euros 30 euros. Avec les aides. Tout ah ouais, ça. En campagne. Bah, en campagne, ça veut dire. À Rennes. À Rennes. Mais j'entends rien. Moi, je suis chaud. Mets-toi le casque. Hein. Ah non, ça c'est pas du rap. Hein. C'est de l'arnaque. Hein. Laisse-moi un autre truc, s'il te plaît, parce que là. C'est de l'arnaque, ton cousin il a sous-loué un truc. C'est pas d'arnaque, tu dis n'importe quoi. T'en parles mal de ta famille. Bah si, tu dis que c'est de l'arnaque. Non, la musique est là, tu veux. Ah bon? Excuse-moi. J'ai cru que tu parlais des appartements là-bas, c'est pas trop cher. Non, le truc qu'il a fait, le... Laisse quelque chose. Non. Franchement, essaie de trouver les mélodies bien, s'il te plaît, parce que là, ouais, tu me laisses... Mais qu'est-ce qu'il fait son officier, celui-là? C'est pas possible. Laisse-moi devenir comme ça. Bon. Attends. Tu laisses des musiques comme ça, mais des mélodies à peu près comme ça. T'inquiète, bientôt je les canne, tu as avec. C'est pas ça? Non, j'aime pas trop les musiques. C'est bien. Ouais, alors mets un style américain. Parce que j'aime pas la musique française, je te dis. Voilà, merci. Pourtant, t'es français, pourtant. Faut pas critiquer la musique française. Attends, 2 minutes, attends, c'est pas 2 minutes. Mais tu te demandes que de nous, toi? Bon, voilà, on avait le tour de Madanoia, il y a Ringo qui voulait chanter, mais... Ringo qui fait le foufou, Ringo qui est par-ci, qui est par-là. J'irais être plus cher, c'est en Irlande qu'on les vend les plus chers et en Angleterre. Mais t'as une connaissance générale, machallah. Bon, c'est en Angleterre. T'as une bonne connaissance générale, machallah. C'est bien, c'est la lecture, tout ça. Les cigarettes les moins chères d'Europe, c'est en Bulgarie. Oui, en Bulgarie, ouais. Carrément. Ouais, voilà, donc on a 4 minutes. Quelqu'un veut chanter quelque chose vers de la musique? 18h, à tout à l'heure. Oui, une Dune. Musique. Qui veut chanter quelque chose? Moi, je sais pas chanter. Tu vas chanter, mais tout tu peux apprendre. Tout à l'heure. Faut chanter avant qu'il arrive. Jason, tu veux chanter un peu? Ça fait longtemps que tu chantes pas. Mais j'ai pas d'instru. Jason. Tu veux chanter moi, mais j'ai pas d'instru. Attendez. t'as un son, c'est super. Eh ben non. Trouve ton son. Ouf, ou cherche quand même, cherche. A trouvé ? Dr. Dre is the name, I'm ahead of my gang. Still, puffin' my leaf, still juicing the leaves. Si tu pourras. Bon, allez, on va arriver. On a travaillé. Allez, Martin, courage, tu vas trouver. Attends, deux minutes, là, que je lève le truc là. Attention, on va pas blesser Martin. Oh là là. Avec la tige là. Là, attends. Accrochez-vous. Oh. J'ai très peur. Vas-y. Ça va comme ça là. Tout ça pour pas se lever. Oh. Attention, Martin. Oh. J'espère que ça vient d'un pas. Ah oui, j'ai pas envie qu'on le blesse, hein. Il nous rappelle les gamins de l'école primaire. Mais plus fort, s'il te plaît. Un petit peu plus fort. Voilà, tu peux la mettre au début maintenant. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu m'attends. Non, s'il te plaît. Que tu pas dans le tour, parce que je fais pas dans le tour. Oui, monsieur le spécialiste. Un deux minutes. Artiste. Laisse-moi le truc. Sinon, tu vas m'embrouiller. Monsieur le roi. Attends, je prépare bien le truc. Bon, moi je laisse. Non, attends de voir ce qu'il fait. Attends de voir ce qu'il fait. Attends, tout ça pas pour rien, attends. Reste. Oh. Mais au début. Au début, mets-le. Au début. Ok. De la West Side à la Tupac. Même à Kava, même à Kava, ça qu'on qui veut faire, y'a vers ma salle. C'est l'ordre, y'a tes dicas, ça mène ma chare, y'a ka. Chou des magues que t'attends. Même à Kava, tout c'est l'ordre, y'a tes chumis de sa main. Hadima ta telo ya te te di casa men se lo ya ta de sto ba te di casa men cala me di cava tur me di lia va pa la tutte me di lia va pa la tutte me llamando mi llamando mi cita lo va te mira lo va te mira lo che me cuento porti yo ven conmigo mi cama me llamalo contigo contigo va te mira lo Bande miralo, mexitando, mexil, halo, opotio. Bande miralo, que me soy loco. Mi cama, me llamalo. Opotio, yeah, yo. Hati mata pra la lente di casa mina do disco te che la va a mette l'oria te chi la bava e scende te chi la balla te chi la balla me magava e scende te che le nappe me roglasso Hati mata te l'oria tante fiesta te che las te magava sua cogive te chi la bava te sono rara pra calma Starme chi la bava, a ti mazza gene, te chi la bava, te chi la bava. Me magava te ma chiovava, pascia tu mente te che lava. Hadi prala lente qui la batte qu'elle ne gêne. Pelle mère lumia te qu'elle n'a. Vamos mi amigo di de fiesta de Bogota. Colombiano soy yo reggaeton reggaeton. Ma mejor en el mundo más mejor. Me gusta lo canta lo pequeño. Me levanto la mañana, vende como Escobar. Me gusta lo todo mundo. Dinero, dinero. Cogemos dinero, todo mundo le gusta lo. Todo lumia, placha le lo ve. Rolex, Maxima, Pebas, Mercedes, Metrada. Pare che razzima, poi casuetto, pare lo vessima. Hadi prala le te chieras, truffe, te chieras, pare lo ve. Pare che razzime, namen, nero, ma amen. Me magava pare lo ve, pare lo ve, yando geppo. Tello lumia braccia le barello vegliando geppo. Me gusta lo che me levanto. Todo mundo queriendo dinero. Me gusta el dinero mucho. Todo gente le gusta lo mi canción. Reggaeton, reggaeton, yo quiero di gente bailando. Toda la noche yo quiero pa' mi casa, yo que bailando. Todo gente le gusta lo músico contigo. Me gusta lo hoi, me gusta lo oui. Bra, bra, bra. Me magava me. Bra, bra, bra. De la west side a la tu. De la West Side, écoutez ça, de la West Side.